La délégation du Parti du Travail de Corée, conduite par Lee Soo-young, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a regagné le 29 août la patrie par vol au terme de sa participation à la 7e conférence du Mouvement populaire de libération d'Angola et de sa visite au Congo démocratique, en Angola, en Namibie et en Afrique du Sud.